بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى، فخيرنا الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de cette assise durant ce mois de Ramadan avec des frères avec lesquels on est liés avec le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salam, selon la voie et la compréhension de nos pieux prédisseurs d'Allah alayhim. Les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala nous concernant sont nombreuses. Et parmi ces grâces, ce mois de Ramadan, qui est le mois du Coran, qui est le mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé cette communauté par le meilleur des livres et la meilleure des paroles, qui est le Coran. Et c'est pour ça que ce mois de Ramadan mérite d'être jeûné et mérite que s'y accomplit la plus grande des adorations qui est le jeûne. Et vu que c'est le mois du Coran, conformément au verset qui dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guidé et comme discernement pour les gens. Discernement, avec ce Coran, les gens ils discernent entre la guidée et entre l'égarement, entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. وَرَبُّنَا يَقُولُ عَنْ هَذَا الْقُرْآنِ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. Notre souverain, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous montre que le Coran guide vers la meilleure des voies et vers toutes sortes de biens, les biens pour ce bas monde et pour l'au-delà. Certes, ce Coran, comme il est dit dans le verset, guide vers la voie la plus droite, vers toute forme de bien. Et voyons un peu, il y a une sourate que depuis le début du mois de Ramadan, combien vous l'avez entendue, qui ne cesse de se répéter. Chaque fois, dans chacune de vos prières, on se lève pour la rak'at, on commence par quoi? Par le Fatiha. Et regardez la répétition de cette sourate dans notre vie et durant ce mois de Ramadan. Regardez qu'à force, et ça c'est la force du Coran, même s'il se répète, on ne s'en lasse pas. Jamais tu peux le lire aujourd'hui, demain, après-demain, tu lis les mêmes versets, tu écoutes les mêmes versets, jamais tu vas être lassé. Et ça, c'est la force qu'a mis Allah subhanahu wa ta'ala dans ce Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyons un petit peu les leçons, pourquoi, où il est le secret dans le fait de répéter la lecture de Fatiha, dont chacune de rak'at. Pourquoi c'est par quoi l'a'udhu bi rabbin nas? Pourquoi c'est pas la vache pour rentrer dans la prière? Parce que le Fatiha, comme on dit les hommes de science, Allah subhanahu wa ta'ala a réuni tous les livres qu'il a révélés dans le Coran. Il a réuni tout le Coran dans le Fatiha. Et il a fait que le secret du Coran, il est dans un seul verset. Toi seul nous adorons et auprès de toi seul nous cherchons aide. Tout le secret, il est là. Et c'est le but pour lequel la création a été créée. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. D'où il faut donner l'importance à cette sourate. Il faut la comprendre, la méditer, parce que le Coran il est descendu pour qu'il soit médité. Il est dit dans le verset أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas le Coran, ou alors dans ces cas-là, s'ils ne méditent pas, leurs cœurs sont cadenassés. Car, comme il a dit Sa'di rahimahullah, s'ils le méditent, il va les orienter vers toute forme de bien. Il va les avertir contre toute chose qui va leur prévaloir la colère d'Allah. Et il va les orienter vers toute chose qui va leur prévaloir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant leur cœur sans cadenassé, il a dit, leur cœur ferme tellement de mal qu'ils ne peuvent pas capter la vérité. Leur cœur renferme tellement de mal et beaucoup de mal au point qu'il ne peut pas capter la vérité et la vérité ne peut pas y accéder. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du cœur cadenassé et que nos cœurs ne soient cadenassés. Le Fatiha, c'est l'un des grands piliers de la prière. Celui qui ne prie pas avec le Fatiha, sa prière n'a pas eu lieu. À l'exception de celui qui vient de rentrer dans l'islam, où lui, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'a enseigné de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut très vite qu'il apprenne le Fatiha. Hein, c'est l'un des piliers. La personne peut prier pendant 70 ans rien qu'avec le Fatiha parce qu'il n'a pas pu apprendre autre chose ou là, il n'a pas les capacités. Sa prière sera acceptée. Il a rempli son devoir. Mais une personne peut se lever et lire la vache du début jusqu'à la fin, dont la prière sans lire le Fatiha, sa prière est rejetée. Il est ridage, il n'est pas complète, il est rejeté. D'où l'importance du Fatiha. Le Fatiha, tout ce qui est détaillé dans le Coran, il est cité en général dans le Fatiha. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé dans le Coran, il est cité globalement dans le Fatiha. Le monothéisme pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, la prophétie, hein, la résurrection, et ce qui va avec, la description des croyants, la description des mécréants, et ainsi de suite. Tout est cité dans le Fatiha en général. Et son détail se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prouve l'importance du Fatiha. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'un de ses nobles compagnons, ne veux-tu pas que je t'apprenne la sourate la plus grandiose dans le Coran? Et il lui a cité quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le Fatiha. Et cette Fatiha, il a beaucoup de noms. Et cela prouve son importance. Il s'appelle Raqiya, celle qui guérit. Shafia, celle qui donne les remèdes. Le Kafiya, celle qui suffit. Salat, l'Hamd, Umm al-Kitab, le Fatiha. Et d'autres noms. Ils sont nombreux les noms de la Fatiha. Et chaque nom, il a ses preuves dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la Sunna. Il s'appelle Sab al-Matani, les sept répétés, parce qu'on ne cesse de la répéter, et il est composé de sept versets. Hein? Il s'appelle le Fatiha parce que c'est l'ouverture. Ça veut dire l'ouverture, et dès que tu ouvres le Mus'haf, la première surat devant laquelle tu te retrouves, c'est le Fatiha. Il s'appelle la mère du livre, Umm al-Kitab. Les Arabes, pour ce terme Umm, l'emploi pour la chose qui englobe toute la chose. Vous avez, on dit Umm al-Aql, la mère du cerveau. C'est ce tissu rouge que vous voyez qui entoure la raison. C'est plein de petits filets, plein de petits fils comme ça, qui entoure la raison, qui l'englobe, qui le maintient. On l'appelle Umm al-Aql. Et on appelle le Fatiha Umm al-Kitab parce qu'il englobe tout le livre. Tout ce qui est cité en général dans le Fatiha, il est détaillé dans le livre d'Allah. D'où son nom, Umm al-Kitab. Raqiya, parce que Si on l'utilise, si on sait faire ruqya avec, et si on a la certitude sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut se guérir avec le Fatiha. Dans le hadith authentique, une petite troupe, est arrivée dans un village. Il a demandé l'hospitalité aux gens du village, ils ne leur ont pas donné. Ils sont restés à l'extérieur de là, du village. Et dans la nuit, il y a quelqu'un qui est venu en courant du village pour demander s'il y a un raqi. Un homme s'est levé, il a dit, moi, mais comme vous ne vous avez pas donné l'hospitalité, vous devez donner quelque chose. Il est parti, il a fait ruqya, il n'a pas dépassé le fait de lire le Fatiha et de postillonner sur la morsure. Et l'homme s'est levé comme un chameau qui a été détaché de ses ficelles. Et le chameau qui est détaché, qu'on le détache, et qu'on desserre les cordes, etc., on détache les cordes, il se lève d'une grande force. Il est arrivé la même chose à cet homme. Raqiya, si on sait se guérir avec, mais il faut avoir la certitude. Le Fatiha est un remède. Tout le Coran est un remède, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit, Shifa. Mais tout ce qui se passe, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs. Et la certitude. Certains vont faire ruqya pour dire je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. C'est pas comme ça que ça marche, akhi. Abadan. Où on a la certitude, ça peut marcher. Et ruqya, tu n'es pas obligé d'être un raqi. Tu n'es pas obligé d'aller chez un raqi. Ça n'existe pas un métier de raqi. Ceci est une innovation du siècle. Je fais ruqya moi-même. Je la fais à ma femme, je la fais à mes enfants. La femme se la fait à lui-même. Si y a un frère qui me l'a fait, c'est pas un problème, mais ce n'est pas un métier. On n'ouvre pas des cabinets de ruqat, comme c'est la mode à notre époque maintenant. Et en plus, quand on voit ce qui se passe dans ces cabinets de ruqat, a'oudou billah, la personne, il vient, il est souffrante. Et après, raqi, ceux qui travaillent avec lui, ne cherchent que dépouiller sa poche. Une fois qu'il paye les 50 euros de la ruqya au plus, comme si c'est un médecin, il va lui écrire une ordonnance de plein d'huile, de plein d'encens, de plein de trucs, et il va sortir de là le pauvre avec une ordonnance quand il passe à l'herboriste en bas ou là, à côté de, dans le même salon, il s'en sort pour 200 euros, 250 euros. Ici, il n'a pas d'argent, Adam Skin. Comment il va? Chaque fois, il va venir dépenser 250 euros. Eh ben, dans l'islam, c'est pas comme ça. Ruqya, on se la fait nous-mêmes. Et combien de fois, si on accomplit la sunna, on fait ruqya dans notre journée? Chaque soir, quand on va dormir, on lit ayat al-kursi. C'est une forme de protection aussi. Ou alors, l'autre version, lire qu'il est Allah ahad, qu'il est a'udhu bi rabbil falaq, qu'il est a'udhu bi rabbin nas, et poussiner dans ses mains, essuyer tout ce qu'on peut de son corps, trois fois. Ça, c'est une ruqya aussi. Donc, chacun de nous peut faire sa ruqya. Et il faut faire très attention à ces charlatans qui ne voient que ce qu'il y a dans la poche de la personne. Et qui ont fait d'un truc un métier qui n'existait pas. Rasulullah n'a pas ouvert une clinique de ruqya. Ni les nobles compagnons, ni ceux qui les ont suivis à la perfection, ni les grands imams de la communauté, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, et les imams contemporains comme l'imam Al-Albani, comme Ibn Baz, comme Cheikh Al-Fawzan et comme d'autres. Donc le Fatiha, c'était le ruqya. Mais à nous d'avoir une aqida authentique. Des convictions solides sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'appelle salat aussi, la prière. Car dans le hadith authentique, qui est un hadith qudsi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam raconte son souverain qui a dit, j'ai partagé la prière en deux. la moitié est à mon serviteur et la moitié est à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le serviteur il dit Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hein, le souverain subhanahu wa ta'ala il dit mon serviteur me loue. Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le souverain subhanahu wa ta'ala il dit hein, mon serviteur me fait les éloges. Et quand il dit Malik Yawmiddin, subhanahu wa ta'ala, il dit mon serviteur me glorifie. Et quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hada, le souverain il dit subhanahu wa ta'ala, ça c'est entre moi et mon serviteur. Et à mon serviteur ce qu'il demande. Et après arrive la demande. Et de là, on apprend le comportement de la demande. Comment demander à Allah Azza wa Jal? Hein? Et la surah Al-Fatiha nous apprend ça. Nous apprend le comportement pour demander quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. En glorifiant comme il sied à sa grandeur, en faisant les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, en louant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a ajouté autre chose. Faire la prière sur le prophète alayhi wa sallam. Et après on demande ce qu'on veut. Regarde, quand on est arrivé à Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, le souverain a dit subhanahu wa ta'ala, ça c'est entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il veut. Il est arrivé après juste la demande. Hein? D'où l'importance de méditer, de comprendre le Fatiha. Et pour ce faire, il faut se faire aider. Tant qu'on n'a pas l'arabe, avec des explications de traduction, des paroles de Cheikh Al-Uthaymin sur le Fatiha, les paroles de Saadi, rahimahullah, sur le Fatiha. Mais ce qui nous est demandé, c'est nous-mêmes d'écouter et de lire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala en arabe, et leurs explications en arabe. D'où l'importance d'apprendre l'arabe, et de ne pas s'endormir sur les traductions. La traduction, ce n'est qu'une étape qu'il faut passer. Comme quelqu'un qu'on a mis dans un centre de rééducation pour un de ses membres qui ne fonctionne pas, etc. Il faut qu'il revienne. Après la rééducation, il revient à sa nature normale. Et notre nature normale, nous, dont la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, passe par la langue arabe pour mieux comprendre la parole d'Allah. Pour être à l'aise avec la parole d'Allah, pour être à l'aise avec la sunna de son prophète, pour ne pas se faire avoir par n'importe quel traducteur, peu importe le degré de perfection de la traduction, il ne vous donnera jamais le sens réel, ni de la parole d'Allah, Azza wa Jal, ni de celle de du messager sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, comme je l'ai dit hier, dans une phrase dans laquelle il y a un verbe, un sujet, un complément, nous avons besoin pour traduire d'un paragraphe complet, hein, pour pouvoir arriver à exprimer ce qui est exprimé par une phrase dans laquelle il y a un verbe et un sujet, un complément. Donc il ne faut pas s'endormir sur les traductions. Il faut savoir qu'un traducteur, c'est une personne qui a des convictions et qui est sur une voie. Donc à partir de sa traduction, il y a sa voix qui s'immisce, ses convictions aussi. Alors si il fait partie d'une voie déviante et qu'il a des convictions déviantes, où est-ce que ça va amener? Ça va amener à la déviance. Et surtout parce que on s'attache facilement aux personnes. Alors que ce qui nous est demandé, c'est de s'attacher et de chercher la vérité. Et les personnes, on doit les connaître à travers la vérité. Et non pas connaître la vérité à travers les personnes. Je dois assimiler la vérité pour peser la personne. Pour qu'il soit mon baromètre. Pour savoir qui est cette personne. Pour avoir ce discernement entre le vrai et le faux. Hein? Il faut faire très attention à cela. C'est pour ça que le plus prédisseur d'Allah Alim, comme Ibn Sirin et d'autres, on dit « Inna hada al-ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. » cette religion, cette science est une religion, c'est-à-dire la science du livre et de la sunna est une religion. Regardez ce qui vous l'apprenez. Hein? Si tu l'apprends chez un ikhwan, tu vas devenir un ikhwan. Si tu l'apprends chez un takfiri, tu vas devenir un takfiri. Hein? Si tu l'apprends chez un tablir, tu vas devenir un globe-trotteur sur la planète. Hein? Et ainsi de suite. Là, il ne faut pas se leurrer. Chaque récipient, j'ai de chaque récipient ce qu'il y a dedans. Et quelqu'un qui n'a pas une chose ne peut pas la donner. Hein? Il faut faire, parce que c'est une religion. C'est quelque chose avec lequel tu veux te rapprocher d'Allah. Tu veux avoir l'agrément d'Allah. Donc il ne faut pas te tromper de chemin, ni de voie. Parce qu'il n'y a qu'une seule voie qui mène vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé les tendances qu'il va y avoir dans cette communauté. Et que cette communauté, il allait y avoir beaucoup de divergences dans la communauté. Au point que les divisions qu'il y a dans la communauté sont plus nombreuses que les divisions qu'il y avait chez les gens du livre. 73 sectes. Alors que chez les chrétiens, 72 et chez les juifs, 71. 73. Et une seule voie est la voie qui est agréée par Allah. Celle que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a décrit par ce terme, la voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Il est évident que ça, tu peux pas, ça peut pas venir du vide. Il faut un apprentissage. Il faut connaître cette voie. Il faut connaître les caractéristiques des gens de cette voie. Il faut connaître sur quoi il est basé cette voie. Hein? Regarde ce que tu dis dans le Fatiha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et nous ne voulons pas être sur la voie de ceux qui ont encore ta colère, ni la voie des égarés. Nous devons nous poser la question, ce dua que nous répétons, il veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire guide-nous sur la voie droite? Hein? La voie droite a des significations. Toutes ces significations vont dans le même sens. Les hommes de science ont dit de la voie droite, c'est le Coran, c'est l'islam. Ils ont dit c'est le Coran. Ils ont dit c'est le messager. Ils ont dit c'est les nobles compagnons. Et tout ceci est vrai. Il n'y a pas de voie droite sans l'islam. Il n'y a pas d'islam sans le Coran. Il n'y a pas d'islam sans le messager alayhi salam. Et il n'y a pas de voie droite et d'islam pur comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala sans la voie des nobles compagnons d'Allah alayhi. Quand ils disent que la voie droite c'est l'islam, la preuve. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche une autre religion que la soumission, qui est l'islam, il ne sera pas accepté de lui et sera du domaine des perdants. D'où la nullité de cette da'wa maintenant qu'on voit qui appelle vers cette religion abrahamique ou la ibrahimite ou la l'unité des religions, l'unicité des religions. C'est impossible. Allah n'accepte qu'une seule religion, c'est la soumission, qui est l'islam, qu'il a parachevé avec l'envoi de Muhammad alayhi salam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion, et je vous ai comblé de mon bienfait, et je vous agrée l'islam comme religion. Regarde, le bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé, il est arrivé quand? Après que la religion soit parachevée. Hein? Je vous ai parachevé votre religion. Après, et je vous agrée l'islam, la soumission comme religion. Et après est arrivé quoi? Le fait d'être comblé par le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont dit que c'est l'islam. La preuve, elle est là. Ils ont dit que c'est le Coran. Le verset avec lequel j'ai commencé. « Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam » Certes, ce Coran guide vers la voie la plus droite et vers toutes les voies du bien. Quand ils disent, c'est le messager, très simple. Allah subhanahu wa ta'ala le décrit ainsi dans maintes versets. « وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » Certes, tu es sur la voie droite. Il parle de qui ici dans le verset ? De Muhammad alayhi salatu wa salam. Et quand ils disent que c'est les compagnons, les versets sont nombreux. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Le premier verset, les premiers, les devanciers, par les muhajiroun, c'est-à-dire ceux qui ont quitté la Mecque vers Médine pour sauver leur religion et pour faire triompher la religion d'Allah. Et l'ansar, les auxiliaires ou les alliés de Médine qui les ont accueillis. Et comme ils disent, on n'est ni muhajiroun ni ansar. Ceux-là, ces deux catégories, ont réuni toutes les conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Toutes les conditions sont réunies les concernant. Et on ne fait pas partie d'eux. Est-ce que la porte de la satisfaction d'Allah et de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala est fermée ? Abadan. Il n'est pas fermé. Mais il est dans quoi ? Il est dans la suite du verset. Et ceux qui les suivent à la perfection. Allah les agrée, et eux ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. C'est pas un suivi comme je veux, ni selon mes passions, ni comme me le dicte le leader de mon parti, ou le leader de mon hizb, et ainsi de suite, ou de ma secte. Abadan. Mais c'est un suivi à la perfection. De les suivre dans leurs croyances, dans leur comportement, dans leur rapport avec le Coran, dans leur rapport avec les sociétés, dans leur rapport avec, leurs femmes, leurs enfants, et ainsi de suite, dans leur rapport avec la sunna du messager, alayhi salam. C'est dans ça que nous devons les suivre. Et ceci demande de nous de l'apprentissage pour connaître cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Sinon, on ne serait pas à y arriver. Et cette voie, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma ana alayhi liya wa ashabi, la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Et c'est conforme avec, c'est la voie qui mène vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est conforme avec le verset que je viens de citer. Il y a un autre verset aussi qui prouve l'obligation de suivre les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Il est obligatoire de le suivre, c'est pas du domaine du surrogatoire. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Celui qui prend une autre voie que la voie du prophète après avoir reçu les éclaircissements et suit un autre chemin que le chemin des croyants, médite bien. Celui qui a pris une autre voie que la voie du prophète, il est dans une perte énorme, dans un grand danger. Mais regarde, Allah subhanahu wa ta'ala a ramené autre chose. Il suit une autre voie que la voie du croyant. Et les croyants qui rentrent en priorité là-dedans, c'est qui ? Ceux qui étaient présents au moment de la révélation, c'est nous ? Abadan. C'est les leaders des partis qui existent maintenant ? Abadan. Ce sont Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiya, Abu Huraira, Abdullah ibn Omar, les nobles compagnons de Allah. C'est eux qui rentrent en priorité. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés aussi vers cela. Dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, où il a parlé des divergences qu'il va y avoir, il a dit « Cramponnez-vous à ma voix, et à la voix du Khalifes, bien guidé. » Il a cité les quatre meilleurs de cette communauté, à savoir Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Mais il les a donnés en modèle. Mais sinon, tous les nobles compagnons du messager, alayhi salatu wassalam, ce sont les khalifs du prophète, alayhi salatu wassalam, dans la transmission de cette religion. Et c'est grâce à eux que la religion est arrivée à travers le monde connu de leur époque. qu'il a atteint l'Afrique, l'Afrique du Nord, et ainsi de suite. Hein? Donc, quand les hommes de science, ils disent que la voie droite, c'est l'islam, c'est le Coran, c'est le messager, c'est les compagnons, ceci va dans le même sens. On ne peut pas avoir de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala sur cette religion qui est l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé. Et on ne peut pas l'accomplir sans le Coran. Et on ne peut pas accomplir le Coran sans le messager. Et on ne peut pas accomplir tout ça sans la voie des nobles compagnons d'Allah alayhi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il est obligatoire de suivre leur chemin. Et regarde le verset, ce qu'il dit après. Sirat alladhina an'amta alayhim. La voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Ben, qui sont ceux que Allah a comblé de ses bienfaits? Pour mieux le savoir, le Coran, la meilleure des explications qui se donne au Coran, se donne le Coran avec le Coran. Et après la sunna, après les paroles des nobles compagnons, les paroles tabi'in, la langue arabe, il ne faut pas se leurrer, hein, ce n'est qu'un outil. Hein? Et tout un chacun qui s'aventure à expliquer le Coran tout simplement avec la langue arabe, il va s'égarer, il va égarer les autres. Hein? Il va être dans une grande perte, comme l'emblème des takfirs du monde moderne, des dawa'ish, des bladan et autres, qui est Sayyid Qutb. Il a fait l'interprétation du Coran avec la langue arabe, il a ramené, il a rendu mécréant toute cette communauté. Même le pauvre Mouddin qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah » sur le minaret, il ne l'a pas laissé. Hein? Donc l'arabe, il ne faut pas croire qu'en ayant l'arabe, « Khalas, j'ai abadan, abadan akhal islam. » L'arabe n'est qu'un outil. Et la compréhension de la religion doit passer par la voie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Les nobles compagnons d'Allah alayhim. Pourquoi? Parce que ils ont eu la facilité d'apprendre cette religion, ils l'ont appris directement, fraîche, du prophète alayhi salam. Ils n'avaient pas besoin des règles de la langue arabe, ni des fondements de la jurisprudence, ni des sciences qui concernent le hadith, ni des sciences qui concernent l'analyse des situations des hommes. Et tout ça, ils n'avaient pas besoin. Et méditez-nous maintenant. Si on veut apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les efforts que ça nous demande, et l'énergie et le temps que ça nous prend pour d'abord acquérir les outils avant d'aller au but. Les outils qui sont les sciences du hadith, qui sont les sciences du fondement de la jurisprudence, la langue arabe, et j'en passe. Tout le temps que ça prend avant d'arriver. Hein? Alors qu'eux, ils ont eu direct. La parole d'Allah arrive, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam met en pratique, il leur explique sur place. Ils ont vu le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam accomplir. Ils ont vu le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faire l'eau, c'est pour ça qu'ils nous ont transmis la description de l'eau. Et à la fin de cette description qu'il nous a transmis, Uthman ibn Affan l'a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait l'eau comme je l'ai fait. Hein? Il n'a pas dit comme le fait le frère de la mosquée. Si le frère de la mosquée, il le fait bien, alhamdoulilah. Tant mieux. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui et pour nous. Hein? Mais s'il le fait mal, il n'accomplit pas selon la sunna, je dois le suivre, non. Ce qui m'a été ordonné de suivre, c'est le messager alayhi salatu wassalam. Il a dit alayhi salatu wassalam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Et eux, ils ont vu cette prière, ils l'ont transmise. Comme ils ont transmis cet ordre du prophète alayhi salatu wassalam, priez comme vous m'avez prié. Et ils l'ont vu faire les rites de pèlerinage. Et il a dit alayhi salatu wassalam, khudu anni manasikakum, prenez de moi vos rites de pèlerinage. Ben, ils ont fait le pèlerinage avec et ils ont transmis comment il a fait, radwanullah alayhim. Hein? Donc ceux qui sont comblés de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux-là qui sont sur cette voie, la voie droite, la voie que Allah subhanahu wa ta'ala comblé de ses bienfaits. Et la meilleure des explications qui est donnée à le Coran, c'est le Coran par le Coran. Et on voit ce verset, où est-ce qu'on va trouver sa signification dans le Coran? Sirat alladhina an'amta alayhim. On va le retrouver dans Sourate Nisa. Wa man yuti'illaha wa rasoola fa ulaika مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. L'explication de ce verset, il est là. Celui qui obéit à Allah et à son messager. Ça veut dire celui qui accomplit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est véridique dans son attestation de foi. Il accomplit la religion sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Car l'obéissance à Allah passe par le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est avec ça qu'on accomplit la première partie de l'attestation de foi, la ilaha illallah. Et celui qui obéit au messager, l'obéissance au messager passe par où ? Par le fait d'être en divergence avec lui, d'être en divergence avec sa sunnah, par le fait de faire dans la religion de Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il n'a pas fait, abadan. Il passe par le fait de le suivre dans ses paroles, dans ses actes. Et c'est avec ça qu'on accomplit la deuxième partie de notre attestation de foi. Et Mohammed est le messager d'Allah. Hein? Et cela, regarde ces deux caractéristiques, ces deux qualités de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses biens, la sincérité et le suivi. Et ceci, nous devons l'avoir tout le temps et nous poser tout le temps une question: pour qui je fais mon acte et comment je dois faire mon acte? Pour d'un côté ne pas tomber dans l'ostentation ou là dans une forme de polythéisme, et de l'autre côté pour ne pas tomber dans une divergence avec le messager alayhi salatu wassalam. D'où là, combien de fois on entend l'attestation de foi? Et combien de fois on la répète? On l'entend avec le mot ad-din et on répète avec. On l'a fait dans le tashahud, on l'a fait dans l'iqama. Combien de fois on la répète? Et ceci doit attirer notre attention, que la religion doit être accomplie sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. C'est ça qui va nous prévaloir d'être comblé par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on manifeste ceux qui obéissent à Allah et obéissent au messager, ceux-là sont qui? Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et qu'ils bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. Les prophètes, ils ont quoi les prophètes? Ils ont reçu une révélation. Et ils ont mis en application cette révélation, ils ont transmis cette révélation à leur population. Les véridiques, ils ont quoi? Ils ont pris comme véridique les prophètes, alayhi salatu wassalam, et la science qu'ils leur ont transmise, ils l'ont mise en application. Et ils l'ont transmise aussi. Les martyrs, ils ont quoi? Ils ont combattu, ils ont donné leur âme pour que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit la plus haute. Mais quand on se détrompe, frère en Allah, azza wa jalla, dans ce monde contemporain dans lequel on vit, il ne faut pas croire que les adeptes de Dawa'ish, ou là les adeptes de Al-Qaïda, ou là tout un chacun qui vient poser une bombe et trahir des innocents quelque part dans un centre commercial ou ailleurs, que ça c'est un martyr. Abadan. Ça ce sont les corrupteurs sur terre, et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la corruption sur terre. Et c'est pas comme ça qu'on fait triompher la religion d'Allah. Abadan. En agissant ainsi, en agissant comme les Dawa'ish et comme les Takfiri et j'en passe, on fait que noircir l'image de l'islam. Hein? Et à chaque fois, c'est l'islam qui se retrouve et les musulmans qui se retrouvent dans le box des accusés. Et qui sont accusés de choses desquelles ils sont innocents. Comme le loup est innocent du sang de Youssouf alayhi salatu wassalam. Donc il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se faire avoir. Et j'attire votre attention. Notre jeunesse, malheureusement, il a cette envie et cette curiosité d'aller écouter n'importe qui, écouter n'importe quoi. Sur leur téléphone, sur leur ordinateur, etc. Et partant de là, ils se trouvent de l'autre côté. Il arrive. il tombe, ou par hasard, il y a un site qui arrive, ou là lui-même, il entend des chants, il voit des têtes coupées, il voit du malheur de musulmans, etc. Il commence à changer. Petit à petit, aujourd'hui, demain, et le matraquage, lui, il ne sait pas qu'il est en train d'être matraqué par les images et par les messages qui passent. Il est en train de... Et petit à petit, tu le vois, le pauvre, qu'il se retire de sa famille déjà, parce qu'il voit que sa famille, khlas, ce ne sont pas des musulmans, c'est des mécréants, parce qu'ils ne sont pas conformes à ce que... aux choses avec lesquelles on le matraque, dans les petits clips, et dans les anachides, etc. Donc il se replie sur lui-même. Et tu le vois petit à petit se replier sur lui-même, et d'un jour tu entends qu'il est devenu la chair à canon en Irak ou en Syrie ou ailleurs. Fais très attention à l'islam. Qu'est-ce que tu fais avec ton doigt? Il faut que tu saches, frère Allah subhanahu wa ta'ala, que ton oreille, c'est une amana, c'est un dépôt que Allah t'a confié. Ton œil est un dépôt. Ta langue est un dépôt. Alors fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu ziutes. Fais attention à ce que tu dis. Hein? Tous tes sens sont une amana. Fais attention à cette amana parce que soit il va être une source du bien pour toi ou il va être une source du mal pour toi. Soit il va t'amener vers l'agrément d'Allah ou vers la colère d'Allah. L'un des deux. Soit ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu apprends va t'apaiser et apaiser ta famille, soit il va être une source de problème pour toi, et aussi tu vas être un problème pour tes parents. Il faut faire très attention à cela. Il ne faut pas croire que ce genre de clip, ce genre de truc, il est fait pour, comme ça. La abadan, c'est un appât. Et le venin, il coule doucement. Doucement. Très attention, frère, en Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais que dans les sites qui sont sûrs. Les sites de la débauche, je les évite. Les sites du takfir, je les évite. Les sites qui appellent au jihad, je les évite. Tout ça, je dois les éviter. Pour épargner ma vie. Épargner aussi mon au-delà. Et épargner, ne pas donner des, et pas être une source de malheur pour mes parents et pour ma société et pour la communauté musulmane. Donc, les martyrs, celui qui meurt pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Et ceci se fait maintenant actuellement avec qui? Avec des gouverneurs, un drapeau d'un gouverneur qui s'élève avec une armée. Comme ce qui s'est passé au Yémen contre les Houthis, contre le Rawafid, ou des communautés, des pays se sont levés avec des drapeaux. Pas des mercenaires et des bandes, comme les Dawa'ish et comme les Bladan y passent. Abadan, ce sont des mercenaires, ce sont des bandes qui font le mal sur terre et qui n'ont causé que des problèmes à cette communauté musulmane. Et les minorités musulmanes dans les pays qui ne sont pas musulmans, on souffre beaucoup. Et combien parmi cette jeunesse des pays non-musulmans se retrouvent comme des chairs à canon? Là-bas, en Syrie ou ailleurs, ou en Afghanistan avant et ainsi de suite. Il faut faire très attention à l'islam. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, avec toutes les choses avec lesquelles, tous les sens avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé, c'est un dépôt. Il faut que tu fasses très attention à ce dépôt. Qu'est-ce que tu en fais? Et on arrive au vertueux. Vertueux, c'est qui? Salih, c'est qui? Salih, c'est très simple. Tout musulman et toute musulmane qui accomplit taqwa, c'est un vertueux. C'est quoi taqwa? C'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve venant du livre et de la sunna dans l'espoir d'avoir les récompenses d'Allah. Et c'est le fait de s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit avec preuve venant du livre et de la sunna en ayant peur du châtiment d'Allah. là-bas, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, et en espérant les récompenses, et là, en ayant peur du châtiment d'Allah. Et c'est ainsi qu'on arrive au degré d'Irsalihin. Et c'est là la voie d'Irsalihin. Rien d'autre. C'est pas celui pour lequel on creuse une tombe et on met un mausolée. Abadan. Ah, non, on sait pas ce qu'il est. Hein? S'il est un salih, tant mieux pour lui. Mais salih, c'est tout soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, tout soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui accomplit le taqwa dans sa vie. Cette voie, qui est la voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, c'est la voie de la science, la voie de l'apprentissage. Regardez, il se trouve entre deux voies, entre deux extrêmes. Ceux qui encourent la colère d'Allah et les égarés. Pourquoi ceux-là, ils encourent la colère d'Allah? Parce qu'ils connaissent la vérité, ils la cachent, ils la dissimulent, ils ne la mettent pas en application. Pourquoi ceux-là, ils se sont égarés? Parce que ceux-là, ils suivent leur passion. Et ils accomplissent la religion comme leur dicte leur passion ou leur chef, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils sont égarés. Et les deux voies sont à blâmer. Et les deux voies amènent vers la colère d'Allah et vers le châtiment. Et il y a une voie du juste milieu, ce que Allah subhanahu wa ta'ala comble de ses bienfaits. À la tête de ceux qui est que Allah subhanahu wa ta'ala comble de ses bienfaits, c'est qui? Les prophètes. Ils ont transmis quoi? La science bénéfique. Et donc, c'est une voie de la science. Mais il faut savoir que la science n'est pas un but en soi. C'est un moyen pour arriver au but pour lequel Allah il nous a créés, qui est le fait d'accomplir la religion pour Allah et donc le suivi de son messager, alayhi salatu wa sallam. Accomplir la religion sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager, alayhi salatu wa sallam. Et la science, il y a une science qui nous est obligatoire à tous. La science est divisée en deux. Une science obligatoire individuellement et une science qui est obligatoire au niveau collectif. C'est un certain nombre, l'accomplir là, les autres ne seront pas dans le péché. Mais il faut qu'il existe des hommes qui l'accomplissent dans la communauté pour que la communauté ne soit pas dans le péché. Mais par contre, la science obligatoire, il est obligatoire pour tout un chacun de nous. Et on ne sera pas excusé pour cela. Le fait de connaître Allah, d'avoir une aqidah authentique, de connaître Allah de par ses noms, de par ses attributs, le fait de connaître son messager, alayhi salatu wassalam, le fait de maîtriser tous les actes que nous devons faire. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu dois faire? Ça commence là déjà. Alors, toute ta journée, tout ce que tu dois faire, tout ce qui t'est obligatoire, tu dois le maîtriser. Tes prières, comment faire ton odo, comment faire ton roussel, hein? Comment rapiécer tes prières si tu as un problème. Hein? Et tu arrives à l'âge de te marier, il faut que tu apprennes ce que c'est que le mariage, les règles du mariage, les droits de la femme, les droits des enfants. Tu veux rentrer dans le commerce avant d'y rentrer, pas une fois que tu y es rentré, que tu tombes dans les problèmes, tu vas chercher les règles. Eh ben, avant, tu apprennes les règles du commerce pour ne pas commencer, pour commencer d'un bon pas et partir sur une bonne base. Mais pas une fois que tu es dedans, tu t'engloutis dans tout ce qui est, toute forme de transaction qui n'est pas normale et qui est haram, après tu te poses des questions. Là, il ne faut pas rater le départ, car celui qui rate le départ, son arrivée est mauvaise. Même dans le sport, vous voyez, il rate le départ, khlas, hein, il trébuche. Même s'il était champion, après, il devient zéro. Hein? Ben, dans notre religion, on ne doit pas rater le départ. Le fondement, la base. Hein? Pour que notre arrivée soit bonne et soit sûre. Hein? Et ceci est très important à l'islam. Il ne faut pas se leurrer. Il faut commencer par le biyaba. Il ne faut pas aller chercher plus haut. Regarde, même dans le monde, hein, tu rentres dans une matière, on te commence par premier niveau. Deuxième niveau, troisième niveau, et ainsi de suite. Mais dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en est de même. Parce qu'il faut maîtriser les bases, les fondements, avant. Hein? Et donc, vous voyez très bien que Cette voie, c'est la voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'un de ses bienfaits, il est entre deux voies. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, dans chacune de nos prières, nous demandons quoi? De ne pas être parmi ceux qui ont encore la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaissent la vérité, qui la dissimulent, qui ne la mettent pas en application. Et de ne pas être aussi comme ceux, les ignorants, qui œuvrent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'importe comment. En suivant leurs passions, en suivant les passions de leurs leaders, et ainsi de suite. Hein? Et donc, et nous devons savoir que toute chose que nous devons faire, nous devons la baser sur une preuve. Pour être sûr. Il vaut mieux que j'attende de connaître la preuve d'une chose que de la faire, et après je me retrouve dans l'erreur. Hein? Le fait d'attendre est beaucoup mieux. Même si je sais que c'est juste, mais je n'ai pas la preuve, et je dis, bah, sûr, c'est juste, je demande d'abord la preuve, et après je fais. Comme ça, je vais être apaisé à la fin. Mon acte, je ne le regretterai pas. Il sera fait comme il doit être fait. Hein? Et il faut tout le temps réfléchir. Se poser la question, pourquoi je viens à la mosquée? Pourquoi je viens faire les prières nocturnes, etc. Toujours que ceci soit parfois en Allah Azza wa Jal, et dans la sincérité, et attendre la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas faire comme parce que mes jeunes frères font, je viens. Hein? Parce qu'on est une bande qui ont grandi ensemble, ben on vient. On s'entraide là. C'est bien de s'entraîner les uns les autres. Mais il faut avoir tout le temps à l'esprit le fait d'accomplir les choses sincèrement pour Allah et dans le suivi des messagers, alayhi salatu wassalam. Et on arrête là, inshallah, pour cette fois, inshallah. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa sallallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.